Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 82 détenus ont été libérés de la prison centrale de Rumonge ce jeudi et vendredi de cette semaine suivant la grâce présidentielle. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué chez lui dans la province de Moalo dans la nuit de ce vendredi par des personnes non encore connues. La police de cette province a déjà appréhendé 3 personnes pour des raisons d'enquête. Le reportage d'aujourd'hui nous mène à Makamba, où les conducteurs de motos et véhicules de transport accusent les policiers de les exiger de l'argent par jour. Ces conducteurs reconnaissent qu'ils n'ont pas de documents complets. Et du côté de la police de sécurité routière, Alfred Innocent Mousseremou explique que ces conducteurs doivent passer par les centres de formation d'auto-école. Voilà pour le titre. Au micro, c'est Christelle Anizigama et la mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Débutons ce journal par la page sécurité. 4 personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade dans la nuit de ce vendredi en zone Kinindo, commune Moura de la mairie de Bujumbura. Selon le porte-parole de la police Pierre Moulikiye, un homme a volé un téléphone d'une femme de ménage du nom de Wizeimana Espérance. Celle-ci a crié et le malfaiteur a lancé une grenade sur ceux qui sont venus porter secours à la victime. Un homme d'une soixantaine d'années de la colline Gihinga en commune Kayokwe de la province de Moalo a été tué chez lui cette nuit de vendredi à samedi par des gens non encore connus. Ces derniers l'ont lancé une grenade lorsqu'il se trouvait dans sa chambre. La police de cette province dit avoir déjà appréhendé 3 personnes pour des raisons d'enquête. Les détails avec Laurent Ndikulio. Le ménage qui a été la cible d'une attaque de gens non encore identifiés cette nuit de vendredi à samedi est celui de Bonaventure Nakabanyura, de la colline Gihinga, en commune Kayoku de la province Moaro. Selon les informations que nous avons pu recueillir dans cette famille, ces malfaiteurs ont commencé à 1h30 par ouer l'enclos avant de s'introduire à l'intérieur du ménage. Ils ont ensuite défoncé la porte principale à l'aide d'une grosse pierre. Arrivés à l'intérieur de la maison, ils ont fait sortir la mère de famille et l'ont enfermée dans une autre chambre. C'est ainsi que ces malfaiteurs ont lancé une grenade sur le chef de famille Bonaventure Nakabanyura avant de l'achever par des coups de poignard. Les vitres de la fenêtre de cette chambre ont été détruites par les éclats de cette grenade. Ces gens ont également enfermé les domestiques dans une autre maison qui se trouve dans cette famille où vit une vieille maman, mère de la victime. Dans la matinée de ce samedi, tous les voisins de cette famille étaient dans la douleur extrême après cet événement qui a emporté cet homme de 63 ans et affirmé qu'il était en bon terme avec tous les gens de la des alentours. L'adjudant de la commune Kayokwe, François Hondoa, qui était arrivé à cet endroit, a demandé aux habitants de cette colline de ne pas céder à des suspicions pour tel ou tel autre motif, mais d'attendre le résultat des enquêtes. Le commissaire de police Amoaro dit quant à lui que 3 personnes, dont un domestique de cette famille, sont arrêtées pour enquête. Il souligne qu'à part cet incident, la sécurité est généralement bonne dans la province Moaro. Depuis Moaro, Laurent Ndikulio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikulio. Quittons la province de Moaro pour aller dans la province de Rumonge où 82 détenus ont été libérés de la prison centrale de Rumonge ce jeudi et vendredi de cette semaine suivant la grâce présidentielle. Et Rwandais y restent détenus pour être remis à l'ambassade rwandaise à Bujumbura ce lundi. Le point avec Jean-Pierre Misago. La libération de ces détenus est intervenue à partir de 17h de ce jeudi après la vérification de leur dossier. Malgré que c'était tard, ceux qui ont été libérés, parmi lesquels 5 membres du parti MSD, ont décidé d'aller camper devant les bureaux de la commune Rumonge où la police les a gardés la nuit de jeudi à vendredi. Au festin, un donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, informe que c'était essentiellement pour leur propre sécurité. Il ajoute qu'un Rwandais dont l'identité n'a pas été révélée a regagné la prison. Ce Rwandais, arrêté pour séjourner au Burundi sans papier, sera remis à la police de l'air, des frontières et des étrangers à Bujumbura ce lundi et celle-ci le remettra ensuite à l'ambassade du Rwanda à Bujumbura. Avant cette libération, la population carcérale était de 1205 pour une prison d'une capacité de 800 personnes. Des sources auprès de cette maison de détention détention disent que cet effectif de détenus libérés n'est pas définitif, plusieurs détenus ayant en effet réclamé la réanalyse de leur dossier. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Continuons ce journal par la page santé. Le nombre de patients du centre Lumuli qui accueille les femmes souffrant de la fistule obstétricale a baissé depuis le départ de Médecins sans frontières Belgique. Le motif est que le ticket aller-retour des malades n'est plus assuré, mais aussi le nombre de malades à opérer par jour a également diminué à cause du manque de docteurs. Ceci a été dit par le responsable de ce centre. Les détails avec Arthur Kavabushi. Selon le responsable du centre Lumuli de l'hôpital régional de Gitega qui traite la fistule obstétricale, depuis le départ de MSF Belgique, le nombre de patients a sensiblement diminué. Le responsable de ce centre fait savoir que cette diminution de patients est due à bien de choses. Premièrement, le MSF Belgique allait sur terrain pour prendre les malades chez elle dans des endroits différents pour les soigner tout en assurant leur restauration et leur hébergement durant leur séjour. Mais actuellement, le ticket aller-retour est à la charge du patient même si le programme alimentaire mondial donne le haricot et le maïs jusque-là. Une autre chose qui figure parmi les préoccupations de ce centre est le manque de docteurs spécialisés. Et actuellement, ce centre n'en a qu'un docteur qui ne travaille que 3 jours pendant la semaine tout en étant partagé par les autres patients de l'hôpital régional de Gitega. Cette situation est telle qu'au moment où, à l'époque MSF Belgique, il travaillait 5 jours par semaine. Son manque de médecins a fait que le nombre de patients opérés par jour diminue en termes de 2 ou plus à 1 par jour. Sachez que si ce centre n'est pas appuyé, le nombre de patients lui continue à augmenter et cette maladie affecte négativement la vie dans beaucoup de ménages. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le reportage d'aujourd'hui nous mène au niveau de l'axe Mugina-Mabanda en province Makamba, où les conducteurs de motos et véhicules de transport accusent les policiers de les exiger de l'argent par jour. Ces conducteurs reconnaissent qu'ils n'ont pas de documents complets et s'interrogent sur la finalité de ces fonds collectés par ces policiers et que les documents sont délivrés à Bujumbura, loin de Makamba. L'administrateur de Mabanda trouve que la collecte de cet argent est une corruption et demande à ses conducteurs d'être en ordre en document, sinon ils s'exposent aux amendes. Placide Niyongongele a été à Makamba, son reportage. Ces conducteurs expliquent que par moto, ils doivent payer 2 000, alors que pour un véhicule, ils sont obligés de payer 5 000. Ils sont éparpillés par les agents de police œuvrant dans l'axe Mugina-Mabanda. Ils expliquent que cette somme leur permet de travailler toute la journée et que le jour suivant, ils doivent également régulariser. On demande de payer 2 000 francs pour la moto et 5 000 francs pour le véhicule. Nous ne savons pas si on le fait parce que beaucoup de conducteurs n'ont pas de permis de conduire ou certains véhicules n'ont pas de documents complets. Même si on remplit toutes les conditions, on est obligé de payer. Ces conducteurs déplorent que cet argent est exigé même régulier en documents. Certains de ces conducteurs reconnaissent conduire des engins sans documents complets, mais justifient qu'aller à Bujumbura demande de moyens financiers consistants. C'est difficile. J'ai déjà dépensé 300 000 francs. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il va les chercher pour moi. Ça me demande de m'installer à Bujumbura. Il me faut des études et passer les tests. Donc, si je quitte ici, ça devient difficile. Ces conducteurs s'interrogent sur la destination de cet argent collecté par ces policiers. Tu dois t'arrêter pour payer 2000 francs. Nous ne savons pas où va cet argent que nous dépensons. Certains n'ont pas de permis de conduire. Si on ne paie pas cet argent, on nous taxe d'une amende allant de 100 à 150 000 francs. Pour échapper à cette amende, on est sommé à payer. Ces conducteurs même de motos et véhicules, œuvrant dans l'axe Mugina-Mabanda, demandent que des tests pour l'obtention des permis de conduire sont organisés à Makamba et qu'il y ait un bureau de la police de roulage et de la sécurité routière frontière pour réduire la distance Mabanda Bujumbura. Laetitia Nyonguru, administrateur de la commune Mabanda, explique que la commune ne reconnaît que deux barrières au niveau de cet axe pour contrôle et que d'autres frais prennent une forme de corruption. C'est pour quelle fin pour ces 2000 francs? Moi, je pense que c'est peut-être de la corruption. Peut-être qu'ils ne sont pas en ordre pour tel ou tel autre document. Au lieu de payer l'amende, ils préfèrent payer ces 2000 francs. Comment ils se lamentent qu'ils payent aisément? Merci de nous le faire part. On pourra en parler dans les SMS et voir arrêter d'autres stratégies pour quand même bannir cette forme de corruption. L'administrateur Laetitia Nyonguru ajoute que les conducteurs des appareils sans documents s'exposent aux sanctions. Que des motos circulent sans documents, c'est très dangereux quant à la sécurité. Ça peut être des motos volées, ces motos aussi ne sont pas enregistrées, peuvent transporter des malfaiteurs. Donc on doit les punir, on doit apporter des sanctions, on ne peut pas faire autrement. Et quant au test pour l'obtention des permis de conduire, Laetitia Nyonguru appelle ses conducteurs de motos et véhicules à se préparer bien avant pour la passation. Merci Placide. Et le chef de police de sécurité routière, Alfred Innocent Mousselemo, dit que la technologie informatique en place aujourd'hui pour la passation des tests pour ses permis de conduire ne permet pas le déplacement vers l'intérieur du pays. Il explique que ses conducteurs de motos et véhicules doivent passer par les centres de formation d'auto-école et demande qu'on disponibilise une journée à Bujumbura. On l'écoute. Tout d'abord, nous avons été en province de Makamba très récemment et la passation des épreuves de conduite automobile dans la province de Makamba, de Rumonge, de Changuzo. Et malheureusement, on a remarqué que dans ces provinces, il n'y a pas de centre auto-école, ce qui forme les gens qui ont besoin d'avoir des permis de conduire. Alors que au niveau de la loi portant sur la circulation routière, donc il est stipulé que sont uniquement recevables au test pour avoir un permis de conduire ceux qui ont un certificat délivré par un centre de formation automobile. Donc, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas fréquenté ces centres de formation auto-école ne sont pas recevables dans la passation des épreuves, que ce soit théorique ou pratique. Et aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de nous rendre dans les provinces pour la passation de ces épreuves, étant donné que, avant de passer les épreuves, les candidats doivent se faire inscrire d'une façon biométrique. Donc, il y a un programme d'implantation de machines qu'on utilise dans certaines provinces et dans le cadre des guichets uniques provinciaux. Et ceci, je crois que ça va aider dans l'inscription et pour que nous puissions aller faire passer les épreuves des gens qui sont régulièrement inscrits et d'une façon biométrique. Et sinon, aujourd'hui, tous ceux qui désirent passer les épreuves peuvent venir à Bujumbura et où nous faisons passer ces épreuves deux fois par semaine. Nous avons par exemple la population de Karuzi qui a demandé de venir passer les épreuves à Bujumbura et ils ont demandé qu'on puisse réserver une journée à eux. Donc, comment ils vont procéder? Ils vont prendre un bus qui va ramener les candidats. Et une fois les candidats arrivés, on va s'occuper d'eux pour l'inscription. Et puis, on va leur faire passer les épreuves. Et ils vont retourner sur Karuzi le même jour. Ceux qui peuvent se rendre à Bujumbura, on fait passer ces épreuves deux fois par jour, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. Et on est disposé à accueillir toutes les personnes qui le désirent. Et nous profitons de cette occasion pour démentir certaines rumeurs qui font état d'un probable changement du permis de conduire délivré aujourd'hui. Et donc, nous profitons de cette occasion pour dire que c'est faux. On ne compte pas changer ce permis de conduire. Encore moins, on ne compte pas augmenter le coût de ce permis de conduire. Et les rumeurs qui circulent font aussi état du prix du permis de conduire qui est exorbitant. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tout le monde que le coût du permis de conduire est de 20 000 francs pour le permis de conduire provisoire et de 100 000 francs uniquement pour le permis de conduire définitif. Ce qui veut dire qu'en définitif, celui qui a subi toute la procédure normale et obtient son permis de conduire pour une somme totale de 120 000 francs boucle. Avant de clôturer ce journal, l'actualité sportive, la formation de football de Messager Ngozi est sacrée de la Coupe de l'Unité édition 2017. C'est après que les jeunes de cette académie sportive de Ngozi aient battu Vitalo au match final qui a eu lieu dans l'après-midi de ce samedi au stade de Gitega. Le temps réglementaire est terminé sur le score vierge de 0-0. Et ce sont des tirs au but qui ont départagé les deux équipes. Messager Ngozi a marqué marqué 5 pénaltys contre 4 de Vitalo. Et c'est pour la deuxième fois consécutive que l'équipe Vitalo soit battue en finale par Messager Ngozi. Lors de la finale de la Coupe du Président l'an dernier, c'est Messager qui a pris le trophée après la séance de tir au but. Voilà, c'est sur cet élément sportif que nous clôturons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. 182 détenus ont été libérés de la prison centrale de Rumonge ce jeudi et vendredi de cette semaine suivant la grâce présidentielle. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué chez lui dans la province de Mwalo dans la nuit de ce vendredi par des personnes non encore connues. La police de cette province a déjà appréhendé 3 personnes pour des raisons d'enquête. Le reportage d'aujourd'hui nous a mené à Makamba où les conducteurs de motos et véhicules de transport accusent les policiers de les exiger de l'argent par jour. Ces conducteurs reconnaissent qu'ils n'ont pas de documents complets et du côté de la police de sécurité routière, Alfred Innocent Mousselemo explique que ces conducteurs doivent passer par les autres les centres de formation d'auto-école. C'est ici que s'achève ce journal. Au micro, c'était Christelle Anisgama et la mise en onde était assurée par Albert Ndouayo. Bonne nuit à tous.